juste un parti des élites. Criminel de guerre, faut que tu m'évites. Je peux te faire du sale, faut que tu médites. Qui est venu pour me caler? Qui veut me stopper, salé? Cette balle tringue n'est pas née. Ça fera un alba fané. Gros cul, molly. Elle les aime à la folie. Scientifique au chromie. J'ai cloné des moutons comme Dolly. Dolly, tu ressembles à mon kiné. Qui finira par faire piner. Noir, janté de Guinée. Tu connais ma lignée. Moi j'essaie de prendre des sous. L'industrie veut prendre son coup. Elle essaie d'avaler le tout. Comme si ma bite avait bon goût. Faut son flingue à terre, laisse ton verre en l'air. Surtout pas de stress, bitch y'a de la cesse. Oui y'a de la cesse, ça vient de la tête. Applaudis des fesses. Applaudis des fesses. Ça sent le bédo. Passe-moi le bédo. Passe-moi le fuego. La fume comme fuego. Qui remorcé. Il n'y a plus de portier. Kalashnikov. Ramzan Kadyrov. Que du vieux Rennes 9. Je viens pas à ta teuf. Sauf si elle suicide la keuf. Ou pour mettre des doigts à ta meuf. Alcool dans la jeu gorge, épillé sur ton corps, je n'ai plus de ce fort. Pour qu'elle monte sur mon bord, je lui mens tellement fort, je n'ai plus de remords. Je suis élu comme Néo, j'ai des piles, c'est pas belle à Nice. J'étais sous le préau, j'ai mis des pénaltys pour des Carpanini. Je sais comment faire, je fais détoffer des autographes. Tu mets des commentaires, tu fais des fautes d'orthographe. Approche tes brelets, je vais y mettre du labello. Je maîtrise la langue de Molière, mieux que maître Capello. Ma dope est illicite, les petits me plébiscitent. Les gros me félicitent, y'en qui se précipite. Derrière les barrières, seuls les oiseaux passent les frontières. J'suis dans le maquis, les eaux, les opères. J'suis dans le kaki, les géos, les géonaires. J'débarque, j'obscurcis ton ciel bleu. J'fais ce que j'veux. Ce rap est mon putain de terrain de jeu. Qui